auditeurs de Radio Guémozo. Je suis Lia, je suis en direct avec toi jusqu'à 13h si tout va bien. Bon, je te préviens tout de suite, je pense que je vais légèrement dépasser, mais tu es habitué maintenant. Nous sommes le lundi 14 décembre et le truc qui me fait bien plaisir aujourd'hui, eh bien c'est le dernier jour où l'on doit remplir cette fameuse attestation qui nous casse bien les... Oups, désolé. Allez, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui dans l'avant-dernière de micro ouvert quand même, hein ? Eh bien, j'ai amené avec moi mes disques du week-end. Alors, inspiré directement de l'émission Taratata, je ne sais pas si tu connais. Je ne regarde, moi, habituellement pas la télé, mais cette émission, eh bien, elle vaut vraiment le détour. Hein. Et surtout, elle avait un goût particulier, car on pensait très très fort à tous les artistes et aux intermittents du spectacle qui ne peuvent pas vivre de leur passion pour le moment. Et vraiment, ça a donné une grosse bouffée d'air de voir ces artistes sur scène. J'ai juste été un petit peu perturbée, je dois te le dire, avec les masques des gens du public à l'arrière. Alors c'était leur bas de visage imprimé sur ce masque et l'expression figée m'a laissé, comment dire, un peu perplexe, quoi. Même si j'ai bien compris, bien sûr, l'idée qui se cachait derrière, c'est le cas de le dire. Allez, dans cette émission, j'y ai découvert des vraies pépites comme Loose and Yakuza, SDX, Kimber Rose, Lubiana, voilà, entre autres. Ce que je vais te balancer dans les oreilles aujourd'hui, t'inquiète pas, très très gentiment, on fera bien entendu un tour ensemble vers les potins du coin-coin. Oui, je suis très très en forme aujourd'hui, c'est le début de la semaine quand même. Et surtout, eh bien, tu entendras Gaëtan qui est venu dans nos studios il y a quelques jours pour me parler de la marque de textile qu'il vient de lancer. Elle se nomme Afly et je t'invite à aller là tout de suite en même temps que tu m'écoutes sur son site af-li.com. Cette marque, eh bien, elle a plusieurs particularités. Alors, je cite, à travers sa marque, il souhaite proposer des valeurs qui lui tiennent à cœur. Par exemple, l'écologie avec des vêtements au max 100% bio, du respect du consommateur, de l'artiste créateur, du producteur ou bien de la planète. C'est très, très important, surtout en ce moment. Ça nous fait quand même bien plaisir, le respect de la planète. Il est quand même temps de solidarité, car chaque acteur qui participe au projet a droit à son morceau du gâteau, que ce soit l'artiste, l'imprimeur ou toute autre personne qui s'engage dans l'aventure, car il y a une cagnotte Ulule voilà, en ce moment qui court. Voilà pour ce beau projet Afly. On retrouvera Gaëtan qui nous parlera de tout ça au cours de cette émission. Mais avant tout, eh bien, j'ai envie de te passer mon coup de cœur. Hein. Il s'agit de Loose and Yakuza avec son titre Dilemme, sorti de son dernier album. Vraiment une tuerie, ne bouge pas. Au plus j'ai la haine, au plus ils me font de la peine. Ce n'est pas un drame, c'est je ne fais plus la fête. Plus la fête. Si sereine, nous fais-tu juste la guerre. La vie est une chienne qu'il faut tenir en laisse. Vivre me hante, tout ce qui m'entoure m'a rendu méchante. Si je rate, je recommence. Quand je suis triste, je chante. Ne jamais tout donner de moi. Dans ce monde, c'est le diable qui est roi. Elles me disent que j'ai la poisse. La gabarre devient loose, ça part. Seul. Si je pouvais, je vivrais seul, loin des problèmes et des dilemmes. Na. Je pouvais, je vivrais seul, loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Nanana. Si je pouvais, je vivrais seul, loin des problèmes et des dilemmes. Nanana. Si je pouvais, je vivrais seul, loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Nanana. Si jamais je freine et que je ne fais plus de scène, laissez-moi à l'arrière pour qu'à la source je me baigne. Ma blessure saigne et le sang monte à la tête. Je reste la même et ce quoi qu'il advienne. Au plus j'ai la haine, au plus ils me font de la peine. Ma peau n'est pas noire, elle est couleur ébène. Douce et sereine, où fais-tu juste la guerre? Tu n'es pas parfaite, ton erreur reste humaine. Seul. Je veux être seul. Si je pouvais, je vivrais seul, loin des problèmes et des dilemmes. Na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin des problèmes et des dilemmes. Na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Na. Au plus j'avance, au plus je les devance. Tant pis si tu ne suis pas la cadence. Je ne sais même plus sur quel pied je danse. Encore un acte trop frais, ça dérange. me berce et me ronge. Chaque mot me perce et dont je plonge dans les profondeurs de mes songes. Je nage, me noie dans la pénombre. Si je pouvais, je vivrais seul loin des problèmes et des dilemmes. Na na na na na. Si je pouvais, je vivrais seul loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Na na na na. Si je pouvais, je vivrais seul loin des problèmes et des dilemmes. Na na na na na. Si je pouvais, je vivrais seul loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Na na na na. Seul, seul, seul. Je veux être seul. Loose and the Yakuza avec ce titre dilemme, vraiment un gros gros kiff. Si tu veux retrouver ce son, eh bien Loose, c'est L-O-U. S, voilà, N Yakuza, voilà, tu trouveras forcément. J'espère que ça t'a bien plu, ça. Avant de te faire écouter l'interview menée avec Gaëtan qui vient de créer la marque Afly, tu l'auras bien compris, mais tu n'as pas fini de l'entendre, je te glisse une petite news, celle de l'association Agir Ensemble qui propose son marché de Noël sénégalais. Alors pour trouver les meilleurs cadeaux à faire pour Noël à des prix imbattables, exceptionnellement, ils t'offrent la possibilité de venir découvrir ou redécouvrir leur artisanat sénégalais. Ça se passe le samedi 19 décembre, donc ce samedi-là qui arrive, de 11h à 18h au 1 rue Jules Ferry de Chantraine, dans la cour derrière la maison, nous disent-ils. Qu'est-ce que tu y trouveras ? Eh bien, des bijoux, par exemple, des bracelets en bois, en tissu, en bronze, en cuir, des colliers en tissu, en bois ou en perles, des boucles d'oreilles, des porte-clés, des statues en ébène ou en teck, des vêtements, des objets recyclés, des tableaux de sable, des boîtes en cuir, des chaussures. Tout est fabriqué artisanalement au Sénégal, sauf les livres et les DVD qui sont réalisés par eux. Vous avez la possibilité de visualiser la boutique sur la page Facebook d'Agir Ensemble, et même par ce biais, eh bien, auditeur, de réserver tes cadeaux. C'est génial, ça. Allez, je fais cesser le suspense. C'est le moment d'écouter la première partie de mon entretien avec Gaëtan. Je suis avec Gaëtan Sturzer qui nous parle aujourd'hui, eh bien, d'un sujet très sympathique, hein. Ça fait plaisir avant les fêtes là, d'entendre parler de sujets comme ça, du local comme on les aime. Gaëtan, tu proposes, eh bien, tu viens de lancer une marque de vêtements, Afly. Bonjour, merci de me recevoir. Bah oui, bonjour déjà. Tout à fait. C'est une marque que j'ai décidé de lancer parce que ben, voilà, j'ai toujours été un peu sensible à la mode. J'ai toujours eu un peu de mal aussi à trouver des vêtements qui me plaisaient. Donc ça fait quelques temps que je me dis pourquoi pas lancer mes propres vêtements, proposer ce que j'aime. Mettre aussi quelques valeurs dans tout ça, on pourrait y revenir plus longuement, mais... On s'est lancé sur des valeurs qui sont biologiques, oui, équitables, locales, et on a aussi une valeur de transparence, quitte à être engagé, autant l'être jusqu'au bout. On s'est dit que voilà, on allait mettre à disposition des gens tous les coûts, ce que ça nous coûte, le bénéfice qu'on fait, comment tourne la boutique, voilà. C'était vraiment dans notre idée de mettre tout ça en place. Un peu coopératif, quoi. Un peu coopératif, effectivement. Si aujourd'hui le modèle de l'entreprise, c'est un modèle d'auto-entreprise, hein, c'est petit format. Si la marque a vocation à se développer et à passer sur un modèle de société plus classique, on aimerait bien partir sur des valeurs qui sont celles de l'économie sociale et solidaire. C'est chouette, ça. Avec des salariés actionnaires, des modèles de rémunération qui soient équitables pour tous les acteurs du projet, que ça aille de l'imprimeur au graphiste, etc., etc. Ok. Alors, je cite, hein, une démarche écologique et humaniste. Donc là, tu viens de nous en donner quelques points. Et moi, le truc que j'ai vraiment kiffé, c'est des vêtements en coton 100% bio. Exactement. Alors, moi, je suis pas allé visiter notre producteur parce que ça, c'est un petit peu loin. Mais on passe par le distributeur qui s'appelle Stanley et Stella. Vous pouvez aller voir leur site internet, tout y est détaillé. Eux s'engagent du coup sur des cotons qui sont 100% biologiques. Dans les pulls, il y a forcément un petit peu de polyester. Ce polyester vient de pailles de plastique qui sont recyclées. Donc, je crois qu'on est sur 15% de polyester recyclé par pull. Alors eux produisent au Bangladesh, ils garantissent des conditions de travail pour les ouvriers qui sont équitables, hein. Oui. Pas d'enfants dans les usines, des rémunérations qui sont justes par rapport à la situation économique du pays, et ils vont jusqu'à mettre l'adresse de leurs usines au Bangladesh sur leur site internet. Donc là on est sur le côté transparence à 100%, ce qui nous plaît. Oui. Du coup, vous pouvez aller les visiter hein, si vous voulez. Moi, j'irai si un jour j'ai beaucoup d'argent, mais pour le moment, c'est pas le cas. Alors là, c'est une première collection qui est disponible. On peut retrouver ces produits directement sur le site internet AFLI, alors af-li.com. On peut déjà précommander. C'est ça ? Alors effectivement, on a choisi la précommande. Enfin, j'ai choisi la précommande pour des raisons qui sont elles aussi écologiques. Dans la mode, il y a un énorme champ qui est le gaspillage. Énormément de gaspillage. Il y a encore quelques jours, je voyais sur Facebook un reportage sur un mec qui va détruire des tonnes et des tonnes de vêtements directement à la sortie des boutiques. Et la précommande, ça nous permet d'éviter ce gaspillage. On sait qui veut quoi, à quelle échéance, qu'est-ce que les gens veulent. On commande ce que les gens ont besoin. On prend pas de stock. En plus, du coup, il n'y a pas de stock perdu, il n'y a pas de gâchis. Bon, il y a des arguments économiques aussi derrière cette précommande. Oui. J'ai fait le choix de ne pas m'endetter auprès d'une banque pour lancer le projet, parce que j'ai 22 ans aujourd'hui, j'ai pas envie d'être redevable sur les 15 prochaines années de ma vie à une banque de sommes que je ne maîtriserai plus. Oui. Mais cette précommande, du coup, ça nous permet de recevoir les fonds avant de financer la collection. De cette manière, nous, on avance, enfin, j'avance pas d'argent. L'entreprise n'avance pas d'argent, donc c'est un fonctionnement qui est un peu différent hein, du coup parce qu'il n'y a pas de fonds de roulement à proprement parler. Il y a un léger fonds de roulement qui se met en place, mais c'est un fonds de roulement qui est dédié à la communication. Ça va pas être du rachat de collection avant commande. Ça va vraiment être les gens commandent et après ça demande un petit peu de patience hein, forcément à échéance de la précommande. On lance l'impression avec notre partenaire et dès que les pulls sont reçus, on expédie. Génial. Il y a une campagne Ulule en cours. Elle est encore en cours là ? Elle est encore en cours, effectivement. Vous pouvez la retrouver sur le site ulule.fr/af-li.com/, pas sans le .com. Je vais le redonner pour être bien sûr ulule.fr/af-li/. Vous arrivez sur la page du Ulule et là, vous pouvez précommander vos vêtements. En fait, c'est le même système de précommande qu'on retrouve sur notre site, mais via Ulule qui est vraiment une plateforme faite pour le lancement de projets. Vous pouvez également faire des dons, mais nous, c'est pas ce qui nous intéresse. Franchement, les dons, ce qui nous intéresse, c'est que vous précommandiez des vêtements. Ouais. Bah oui. Du coup, qu'est-ce qu'on retrouve comme produit pour l'instant ? Alors pour le moment, on vend des sweats et des sweats capuches. On a décidé de faire l'impasse sur les t-shirts pour le moment, bah, pour des raisons qui sont déjà économiques. À préciser qu'on a reçu un financement de la région Grand Est pour acheter la première collection. Ça s'appelle Expérience de jeunesse. Hein, ça peut intéresser d'autres auditeurs. Génial. Vous pouvez faire financer votre projet professionnel ou associatif à hauteur de 50% jusqu'à 2000 euros. Rendez-vous sur grandest.fr. Et merci pour le soutien de la région Grand Est. Carrément. Et du coup, il fallait qu'on dépense cette somme, mais en mettant nous de l'argent derrière aussi, hein, comme on le disait, il y a ces 50% du financement. Donc du coup, c'était soit on prenait une collection de pulls de suite capuche à des prix qui étaient encore raisonnables pour nous, parce qu'on imprime en sérigraphie et il y a des minimums de quantités à faire imprimer. Ça fait partie du travail. Mais du coup, si on faisait t-shirt plus pull, là, on était dans des coûts de financement énormes et nous, ça dépassait nos budgets même qu'on avait prévus. Pour donner un ordre d'idée, hein, on reste, comme je le disais, sur la transparence budgétaire. Le projet, jusqu'à maintenant, on a injecté 6 000 euros dedans. Ah ouais. Il y a 2 000 euros qui viennent de la région, il y a 4 000 euros qui viennent de ma poche. Ah ouais. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a un moment où il faut aussi qu'on fasse des choix et on n'a pas fait de t-shirt. Alors on est en pleine saison hivernale, donc voilà, acheter des pulls, hein, c'est l'idée du moment. C'est ça. Si on peut parler un peu de qualité du textile, les suites sont sur du 300 grammes au mètre carré, donc on a quelque chose qui est assez épais. Et les suites capuches sont sur 280 grammes au mètre carré, un peu plus léger. Mais du coup, vous avez la capuche pour vous enrober la tête. Et puis, avec une bonne veste, ça fait toujours son travail. J'adore, tu sais, AFLI de nos vêtements à nos œuvres, ajouter l'art dans votre vie. Alors, c'est tellement beau. Pour la petite histoire qui va derrière ce slogan de nos vêtements à nos œuvres, ajouter l'art à votre vie, bah, c'est quand on construisait le site, j'ai rempli le site avec des petites phrases à droite à gauche, comme ça, juste en attendant d'y mettre le texte final. Et j'avais inventé ça vraiment comme ça, à l'air de rien. Et au final, en revenant sur le site, sur les écritures, on s'est dit que bah, ça collait à ce qu'on voulait faire, parce que on vend un petit peu d'œuvres d'art. Alors les œuvres d'art, c'est des photos que moi je prends, c'est de la photographie artistique. Hein. Il n'y a pas de grande prétention de faire des œuvres. Voilà, c'est de l'amateurisme. Mais voilà, on s'attend pas à vendre des œuvres pour faire notre chiffre d'affaires. Hein. C'est vraiment du bonus. On travaille avec un imprimeur qui est à une demi-heure de voiture chez nous. C'est pareil, on reste dans le côté local. Il a des très bonnes qualités d'impression. On est sur des formats qui sont assez petits, donc plutôt accessibles au niveau prix. Enfin voilà, il y a toutes ces démarches-là. Alors les graphismes sont juste d'enfer. Qui s'est occupé de ça? Merci. Alors je m'en suis occupé avec... donc mon frère m'a donné un coup de main. On parle bien de coup de main bénévole. C'est des petits coups de main à droite à gauche parce que lui a une formation dans le graphisme. Hein. Il a passé un bac... l'intitulé du bac, je l'ai oublié sur le moment. C'est RPIP, voilà. Un bac RPIP qui se concentre vraiment sur la production graphique et l'imprimerie. Donc j'ai mis ces connaissances à profit quand j'étais en galère sur les outils de production graphique. Mais sinon, voilà, les visuels sont maison. C'est nous qui les avons produits. Et c'est aussi notre fierté de proposer des visuels qui soient uniques sur le marché et que nous sommes les seuls à proposer. Bah, carrément, il y a aussi des goodies. Alors, les goodies. Alors, on peut en parler un peu plus longuement des goodies parce que les goodies, là, on perd un peu ce côté démarche biologique locale. Ah. On l'assume, hein, je veux dire, on va rien cacher, hein, on est là pour la transparence. Les goodies, on est vraiment sur quelque chose qui est imprimé à la demande. Donc il y a des temps d'impression qui sont plus longs. C'est produit en Europe de l'Est, si je ne dis pas de bêtises. Il y a du temps de transit. Enfin voilà, c'est pas les goodies, c'est un système à améliorer dans le futur. On en est conscient, j'en suis conscient. Le seul truc qui va avec tout ça, c'est que ça nous demandait d'investir de l'argent supplémentaire, argent qu'on ne possède pas encore. On avait la volonté de proposer ces goodies parce que c'est toujours sympa d'avoir une banane de la marque qu'on aime. Carrément. Une banane ou voilà, un sac à dos. Mais à savoir que les goodies ne répondent pas encore totalement à nos critères écologiques. Ok, donc on va se concentrer sur les pulls. On va se concentrer sur les pulls. Mais d'ailleurs, on prétend pas vendre des sacs bio dans la description du produit. Hein. Oui. C'est écrit que c'est un sac. C'est bien de rencontrer des gens qui communiquent en toute transparence sur ce qu'ils font. Ça fait quand même plaisir. Je pense, et mon frère qui rejoindra peut-être l'aventure un jour le pense aussi, la transparence c'est quelque chose qui va devenir essentiel dans le monde à venir. Je veux dire, on est dans des démarches écologiques, on est sur ci, on est sur ça, on est sur tel sujet, on est sur du social. Si à un moment où on n'est pas clair avec ce qu'on fait et clair avec les gens et avec soi-même, hein, ça rentre en compte aussi, on n'avance pas, on se coince dans des impasses et on en vient à faire n'importe quoi. La transparence c'est un peu une sorte de garde-fou aussi. Il y a un moment où on peut être dépassé par les réalités économiques. Imaginons que la marque prend, il y a un moment on arrive à dégager des 100 000 euros de chiffre d'affaires par an. Faut pas se faire dépasser par les chiffres. Je veux dire, c'est toujours l'attrait du pognon, hein. Il y a quelque chose là-dedans. L'argent fait perdre la tête, ou en tout cas peut faire perdre la tête. Et cette démarche de transparence, elle permet de garder ce côté raisonnable et humble. Et puis comme ça c'était un choix de notre part aussi, c'était de faire des pulls qui soient accessibles. Alors oui, on est quand même sur un sweat à 40 euros, sur un sweat capuche à 50 euros. Ça reste, pour nous ça reste cher. Je veux dire, on a grandi dans un milieu modeste. Pour nous, voilà, mettre 50 euros dans un pull c'est déjà quelque chose. Mais il faut savoir que sur les 40 euros du sweat, on se garde 10 euros pour nous. Ah ouais. C'est pas énorme, c'est pas une marge qui est folle. Et moi ma prétention, on va dire entre guillemets, c'est de réussir à me tirer un salaire de tout ça, une fois que toutes les charges sont payées, qui avoisine un salaire de 2000 euros, 2500 euros, quelque chose qui soit correct, agréable, confortable. Mais je n'estime pas avoir besoin de plus ou de commencer à détenir des actifs en banque qui dépassent des sommes inimaginables. Pas se faire dépasser par le succès, quoi. Oui, et puis on aimerait mettre des projets associatifs aussi au milieu de tout ça. J'ai une grande sensibilité pour l'Afrique parce que j'y suis intervenu plusieurs fois. J'en avais d'ailleurs déjà parlé au micro de cette radio. C'est vrai. Il y a un ou deux ans de ça pour d'autres projets. Mais j'aimerais que l'entreprise puisse un jour servir des causes, on va appeler ça nobles, mais en tout cas qui aident au développement des pays qui en ont besoin. En intervenant au Maroc, en Afrique, avec des acteurs qui sont concernés, que je connais aussi plus ou moins de par mes expériences. Et c'est vraiment ici, un moment où on n'a plus de pognon à pas savoir quoi en foutre, autant le filer à des gens qui en ont besoin. Carrément. Ça paraît logique. Et puis ça peut aussi être du financement d'actions locales, aider d'autres marques de vêtements à émerger sur le territoire. J'ai des amis qui lancent aussi des marques. Ça peut être financer des projets de jeunesse, des projets écologiques sur le territoire. On n'est pas obligé d'aller voir tout de suite en Afrique, en Asie, ou voilà. On peut aussi rester local, financer local, parce qu'il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses qui se développent, qui sont magnifiques, et voilà. Bah oui, c'est tellement bien dit ça. Combien de temps ça a pris pour mettre en place tout ça? Alors l'idée, elle fermente depuis quelques années maintenant. Je me souviens que mon frère, déjà quand on était au collège, il faisait un peu de graphe à l'époque. Il avait fait imprimer un t-shirt pour lui avec ses graphes dessus. Voilà, on avait déjà un peu cette idée de faire nos propres vêtements. Mais le projet en lui-même, le projet Afly, il a commencé, je dirais, au mois de mars. Il a pris corps au mois de mars 2020. Okay. Du coup, ça tombait en plein avec le début du confinement. Ouais. On a mis ce confinement à profit pour mettre en place le site internet. J'ai fait toute la nomenclature du site. On est passé par un prestataire pour faciliter les choses. Mais les textes, les visuels sur le site, voilà, tout ça, c'est moi qui l'ai fait. Et on en arrive à un projet, une auto-entreprise qui a été créée en juin de cette année, juin 2020. Okay. Le 15, je crois, pour être exact. Donc là, c'était vraiment le lancement officiel. On avait lancé le dépôt de marque à peu près en même temps, et j'ai reçu il y a quelque temps le courrier qui officialise le dépôt de la marque Afly auprès de l'Institut National de la Protection Industrielle, donc l'INPI, voilà, auprès de l'INPI. C'est cool. Parce que tout ça, voilà, c'est des démarches qui prennent du temps, mais qu'il faut mettre en place. Hein, ouais. C'est vrai. Bah, à titre d'exemple, hein, sur mon site, je peux voir un petit peu d'où viennent les recherches. Et j'ai déjà 3-4 visites qui ont été faites à travers un moteur de recherche chinois. Ah ouais? Et on peut se dire pourquoi? Parce que notre pub, elle est surtout lancée en France. Ouais. Mais en fait, c'est simplement que c'est pas un mystère. Hein, y a pas d'accusation derrière tout ça, mais y a des faussaires qui existent. Ah et il n'y a pas que des faussaires chinois, mais entre autres. Et ces faussaires sont très à l'affût de ce qui se fait à droite, à gauche, notamment en Europe, dans le milieu de la mode, pour reproduire en Chine, loin de tout carcan législatif, et faire leur propre marché derrière. Wow, d'accord. Eh ben, disons qu'on en apprendra des choses. Alors, Afly, pourquoi ce nom de marque? Ah, ça, c'est toujours la grande question. Pourquoi Afly? Afly, c'est les deux premières lettres de Afterlife. D'accord. En fait, on a un lien assez fort avec le spirituel dans la famille. En guise d'exemple, mon père s'est lancé dans la thérapie chamanique il y a quelques années de ça. Pareil, ma mère propose des soins, notamment des soins de lignée, des soins qui concernent la famille. Et on baigne là-dedans depuis qu'on est tout petit, et on voulait faire honneur à ce monde qui imprègne nos croyances et notre mode de vie à travers la marque. Sans forcément que... voilà, imposer des croyances ou quoi que ce soit. Ce qu'on a voulu le mettre, c'était dans le nom, Afterlife, donc l'après-vie, hein, tout ce qu'on peut croiser après la mort, sans prétendre détenir une croyance. Hein. Évidemment, on n'est pas là pour établir un dogme ou une secte, hein, loin de là. Mais du coup, à travers cette première collection, on a cherché à faire remonter des symboliques, la symbolique des animaux qu'on utilise. D'accord. Par exemple, je suis venu aujourd'hui avec le Sweet Spider. Ouais. Sur ce Sweet Spider, vous avez une grosse tarentule, bien horrible, mais elle claque quand même bien, hein, faut dire les choses. Et elle est notamment enchaînée par des petites lettres. Alors, bon, à l'impression, forcément, elles étaient trop petites pour qu'on puisse vraiment distinguer ce qui est écrit. Mais il est écrit God Spider, l'araignée, le dieu araignée. Et donc, à travers ça, on voulait faire référence à la mythologie amérindienne, notamment du chamanisme, où l'araignée a un rôle très important. Elle tisse les liens entre le monde des esprits et le monde des hommes. Mmh. Alors, je m'excuse. À travers la collection Snake, le visuel Snake, donc là on voit deux serpents entremêlés, on a écrit à mon bon souvenir, guide Dieu et démon. Parce que dans la mythologie amérindienne, le serpent c'est le guide, celui qui guide l'homme dans le monde des esprits. Dans les mythologies amérindiennes, d'Amérique du Sud, donc c'est amérindienne, enfin bref. Ouais. En tout cas, en Amérique du Sud, il y a Quetzalcoatl, hein, le serpent à plumes, qui est un dieu de leur mythologie. Et hop, démon, on revient dans le catholicisme, où le serpent, là, est associé au démon. Voilà, forcément. Wow. Donc voilà, on essaye de faire ressortir discrètement toutes ces symboliques. Je veux dire, il faut le savoir pour aller les chercher, ou en tout cas, il faut aller lire les inscriptions sur les pulls, et du coup, chercher à se renseigner un petit peu sur tout ça. Des petits symboles cachés, c'est sympa, ça. Merci Gaëtan, quand tu te rends compte que, ben voilà, c'est des conditions directes avec Gaëtan. J'ai oublié de couper au montage sa petite toux. T'inquiète pas Gaëtan, on t'en veut pas. Auditeur, ne t'inquiète pas, tu entendras la deuxième partie de cette interview juste après le prochain son que je t'ai prévu. Il s'agit de No Love de Saint-DX, accompagné sur ce titre de Clara Noir et de Joseph Schiano di Lombo, le pur moment de chill de cette émission. Radio Guémouzou. T'as vu comme j'ai essayé de, voilà, de garder le ton là avec ma voix la plus chill. Non, j'avoue, j'ai loupé là. Allez, avant d'entendre la deuxième partie de l'interview avec Gaëtan de la marque Afly, je te passe une autre petite news, voilà, de l'ASPA Vosges cette fois-ci, qui lance le top départ de leur campagne d'adhésion 2021. Si tu veux te rendre utile, t'engager pour la cause animale, alors ne perds pas de temps et deviens adhérent de l'ASPA Vosges. Pour les rejoindre, c'est très simple, il te suffit de régler ta cotisation annuelle en devenant adhérent. Tu recevras par mail des informations sur toutes les futures actions et tu pourras, si tu le souhaites, venir les aider lors de celles-ci. N'oublie pas que l'association peut mener à bien ses actions, par exemple enquête de maltraitance, campagne de stérilisation, etc. uniquement grâce à ta générosité. Les animaux comptent sur toi. Alors, tu as plusieurs moyens qui te sont offerts pour adhérer depuis la plateforme Eloasso, où les règlements effectués y sont 100% sécurisés. Le point positif, eh bien, c'est qu'elle prend pas de commission, cette plateforme, sur ta cotisation. D'ailleurs, en passant, bah, tu peux faire une pierre de coups et adhérer à Radio Guémouzou, car nous aussi, on est sur Eloasso. Tu peux aussi continuer à faire parvenir tes dons et cotisations par chèque, alors de l'ASPA Vosges, ASPA, ou en espèces, à leur faire parvenir au siège de l'association. N'oublie pas de leur transmettre tes coordonnées, nom, prénom, adresse, email, pour qu'ils puissent t'ajouter à leur base de données, mais surtout pour te faire parvenir ta petite carte de membre. Voilà pour la BA du jour. C'est le moment où on retrouve Gaëtan pour cette deuxième partie, qui nous parle toujours de sa marque Afly, avec des vêtements au max 100% bio, bien, mais pas que, bien sûr. Alors, pour l'instant, vous utilisez le coton, mais vous aimeriez explorer d'autres textiles comme le chanvre. Oui, alors le chanvre, ça c'est le chanvre a une histoire assez incroyable dans l'humanité. Hein. Ça a été le matériau utilisé pendant des années et des années pour tout, la construction, les vêtements, et ouais, on en passe. C'est un matériau qui revient légèrement à la mode aujourd'hui, qui commence doucement à se remettre en place. Alors, je vais peut-être dire une grosse bêtise, mais je crois, sur mes dernières connaissances, que la France est un des plus gros producteurs européens de chanvre. Ah ouais. Alors, à vérifier, attention, à prendre avec des grosses pincettes. Mais je crois que j'avais entendu ça parce que les gens qui l'expliquaient faisaient un paradoxe avec le fait qu'on avait une des législations les plus dures entourant le cannabis. Mais bon, c'est pas la même chose, hein. Cannabis chanvre, voilà, faut bien distinguer les deux plantes. Ouais. C'est la même plante, mais c'est pas les mêmes contenants. Voilà. Mais passons. Et du coup, le chanvre, d'un point de vue écologique, pour le textile, c'est le top. L'apport en eau par rapport au coton est infime. Ah oui. Le stockage de carbone lié à la culture du chanvre est énorme. Alors, à vérifier aussi, mais j'avais cru lire une fois que c'était 300 fois supérieur à un arbre, le captage de carbone par l'air du chanvre. Et comme dit, à pousser, c'est une mauvaise herbe. On n'y met rien. Il n'y a pas besoin de pesticides, il n'y a pas besoin de fongicides, il n'y a pas besoin d'intrants. Ah oui. Tout simplement phytosanitaire pour faire pousser le chanvre. Ça pousse tout seul, il n'y a pas besoin de s'en occuper. La seule difficulté du chanvre, c'est au moment où on traite la fibre pour la passer en fibre textile. Là, ça demande un traitement qui est un peu plus lourd, ce qui peut expliquer un peu plus dur que le coton, ce qui peut expliquer aussi le coût lié au chanvre. Mais le chanvre aujourd'hui coûte cher parce que on en fait peu. D'accord. Mais pouvoir proposer des vêtements chanvre, là, on serait dans une démarche écologique à fond, quoi. Je veux dire, on peut toujours prétendre faire du coton bio. Écologiquement, le coton, on sait que c'est pas la panacée. Donc, on le sait, on en est conscient, et d'où le fait qu'on affiche une volonté d'aller, de se tourner vers le chanvre. Alors, ça veut peut-être dire aussi des vêtements plus chers, mais qui seront aussi plus résistants. Le chanvre est une matière qui est très résistante, plus écologique. Enfin, voilà. Il y a un moment où, quand on est consommateur, moi le premier, hein, faut savoir ce qu'on achète. Et faut savoir pourquoi on l'achète. Est-ce que j'ai besoin de m'acheter deux pulls vite fait et je suis prêt à mettre 20 balles dedans, tant pis pour le résultat écologique, ou est-ce que je m'achète un pull qui va me coûter 60-100 euros, mais je sais qu'il va me durer longtemps, je sais qu'écologiquement c'est ça, et est-ce que j'ai besoin d'en acheter deux alors que j'en ai déjà quelques-uns dans ma garde-robe? Enfin, voilà, oui. Puis les consciences s'ouvrent maintenant, voilà, on est quand même plus attentif, j'ai l'impression, à ce qu'on consomme. On est quand même plus attentif, effectivement, à ce qu'on se consomme. Le confinement, je pense, y a joué, en tout cas, c'est ce qui se dit dans les radios et les médias. Les gens se tournent de plus en plus vers le local. Je sais que récemment, dans les Vosges, il y a même eu une évocation de ça dans Vosges Matin. Il y a une dame qui a créé un groupe qui s'appelle Noël Solidaire Vosges, ouais. Où elle invite, du coup, les gens à inviter un maximum de gens dans ce groupe pour que les commerçants et les consommateurs s'y retrouvent et que les gens achètent vosgiens. Carrément. Pour les fêtes de Noël et plus et ailleurs. Hein, voilà. Il y a une plateforme aussi nommée Locapi. Est-ce que tu seras référencé un jour? Alors, je suis tombé sur Locapi, je vous avoue, début de semaine. Seulement, je n'ai pas eu le temps de m'y pencher plus sérieusement. Mais je pense très fortement que nous allons y être référencés parce que, pareil, hein, on est sur du local. D'ailleurs, on n'a pas exprimé la valeur locale de l'entreprise, mais la valeur locale se fait déjà parce qu'on est vosgien. Hein, on fait produire dans les Vosges. Alors, comme je disais, les vêtements en tant que tels proviennent du Bangladesh, hein, sont produits par un prestataire qui est Stan Estella, mais on fait imprimer à Épinal. C'est Screen Sérigraphie qui est situé à Golbey, qui du coup fait un travail de sérigraphie, hein, tout est dans le nom. Et il propose aussi d'autres services, forcément, mais nous, ce qui nous intéresse chez lui, c'est la sérigraphie. On nous l'a conseillé parce qu'il est extrêmement qualitatif. Il propose des choses qui sont top. Et donc voilà, le côté local, nous on l'exprime par le fait qu'on imprime à Épinal. Il y a plusieurs visuels différents, hein, pour ces suites. Alors on propose 4 visuels pour le moment. Il y a un visuel araignée, spider, ouais, comme on l'expliquait précédemment. Il y a un visuel snake, serpent, qu'on a évoqué aussi juste avant. Un visuel léopard, on n'a pas besoin de le traduire, hein, tout est dans le nom. Et un visuel bat, qui en fait est une chauve-souris. À savoir qu'elle est un peu particulière, cette chauve-souris. C'est une chauve-souris qui... C'est un squelette de chauve-souris qui est enfermé dans une cage. Et c'est le pull le plus symbolique que l'on ait fait sur la collection. C'est le pull chauve-souris. Et je ne vous l'expliciterai pas parce que tout est écrit dessus. C'est cool. En plus, alors, on prend des leçons d'anglais. Ce qui est dommage, c'est que les images qu'on a mises sur le site internet, pour des soucis de rapidité du site, ne sont pas extrêmement bonnes. Si vous zoomez à fond sur l'image, vous ne pourrez pas lire les détails. Vous avez vraiment un aperçu du vêtement. Mais si un jour vous croisez un collègue qui l'a acheté, n'hésitez pas. Ou peut-être que vous pourrez trouver sur notre site, notre page Instagram, li-shop. Des photos, on va continuer à poster des photos de nos produits plus régulièrement, de près, de loin, portées, pas portées. Mmh. On va aussi organiser des concours pour gagner des vêtements, ce genre de choses. Génial. Donc n'hésitez pas à aller suivre la page Instagram, vous y trouverez nos actualités, ce qu'on fait, voilà. Super. Et du coup là vous pourrez peut-être y trouver la symbolique un peu plus profonde de ce fameux pull chauve-souris. Cool, plus sur Insta que sur Facebook du coup? On est plus porté sur une communication Instagram que Facebook, déjà parce que nous c'est un réseau que Facebook, on a pratiqué ce réseau quand on était jeune, mais aujourd'hui on est plus tourné sur Instagram. Ouais. On sait que les publics qu'on veut toucher sont sur Instagram, oui. Bien qu'on ne se réserve pas la possibilité de vendre à des publics qui vont jusqu'à plus de 65 ans, hein, on peut toujours espérer. Mais carrément. Mais du coup, la communication Facebook, elle sera minoritaire, on va dire, par rapport à la communication qui sera faite sur Instagram. Okay. Il y a quand même une page Facebook. Mais pour l'instant, j'ai mis un peu des réserves parce que j'ai des soucis avec Facebook pour lier la page Facebook à un Facebook Business. Enfin, on va pas rentrer dans les détails, mais c'est un peu tumultueux pour le moment, tout simplement. Mais voilà, en tout cas, il y aura effectivement une page Facebook. La page Facebook se nomme également AFLYSHOP. Vous pourrez la retrouver également sur Instagram. Et le mieux, pour être au courant en premier des actualités, et on fera aussi des exclusivités de newsletter. C'est la première fois que c'est annoncé, et je le précise ici. Ouais. Vous pouvez aller sur notre site internet, vous inscrire à la newsletter. On n'est pas dans l'abus, hein. On va pas vous envoyer des newsletters pour vous raconter notre vie. C'est pas le but. Hein. On vous enverra des infos sur les nouvelles collections, sur des opportunités à saisir, des réductions, mais ça s'arrête là. Et de temps en temps, on glissera des exclusivités dans la newsletter qui ne seront pas accessibles depuis les réseaux sociaux, mais qui ne seront accessibles qu'aux abonnés de la newsletter. Mais génial, ça se passe sur afly.com, ça? C'est ça, af-li.com. Super. Alors, on peut encore participer à la campagne Ulule, c'est jusqu'à quand? Alors, la campagne Ulule devait courir normalement jusqu'au 31 décembre, elle va être allongée jusqu'au 7 janvier. Ouais. Donc, jusqu'au 7 janvier, vous pouvez commander. Alors, Ulule propose une modalité assez spécifique qui fait que si on ne réunit pas toutes les commandes nécessaires, la campagne est annulée. Oui. À partir de là, pour nous, c'est pas grave. On a déjà une base de clients qui souhaitaient commander nos pulls. Oui. À ce moment-là, si vous avez participé à la campagne, que ça n'a pas marché et que vous voulez quand même un pull, ne vous inquiétez pas, on reviendra vers vous avec un petit mail où on vous proposera de passer directement par le site pour acheter votre pull. En plus, comme je l'expliquais avant, comme on a reçu un financement de la région Grand Est, on a imprimé nos pulls en avance. Donc là, on va recevoir les derniers cartons de pulls à la fin de la précommande. On envoie. Si la précommande n'a pas lieu, vous commandez, vous recevez le vêtement dans les jours qui viennent. Il y a eu combien de contributeurs pour l'instant? Jusqu'à maintenant, je crois qu'on est sur 14 précommandes effectuées qui correspondent à 28% de l'objectif. Alors ça a peut-être évolué entre le moment où j'ai checké hier et aujourd'hui. Mais voilà, pour le moment, on est à 28% de l'objectif demandé. Ok, on peut même contribuer au projet à partir de 1 euro. Alors, comme je disais, ça c'est du don. Ouais. Moi, je vous invite fortement parce que on vend des pulls. Hein. C'est cool de recevoir des dons, mais on n'est pas là pour ça. on vend des pulls et puis j'aurais l'impression de vous piquer de l'argent aussi. Hein. C'est pas, je trouve que mon projet est cool et peut être soutenu. Et forcément, sinon je le proposerais pas. Mais de là à ce qu'on me donne de l'argent gratuitement, c'est pas mon fond de cœur. Donc moi, je vous invite à sélectionner des contreparties. C'est comme ça que ça se nomme sur Ulule. Mmh. Alors, pour ce faire, il ne faut pas cliquer sur « Contribuer au projet à partir d'un euro ». Vous choisissez directement votre pull dans la section « Contreparties ». Et là, du coup, vous avez après la page de commande où vous pouvez régler votre pull. C'est cool, ça. Oui. En tout cas, le site est super bien fait. Vraiment, c'est très clair. C'est très graphique, très visuel. C'est sympa. Comme on avait vraiment cette volonté de proposer des pulls qui soient graphiques avec des visuels uniques, on s'est dit faut que le site y suive. Ouais. On peut pas proposer une page blanche avec des photos. Il y a un moment où c'est pas suffisant. Je veux dire, même au niveau du client, on parle beaucoup de sécurité sur Internet en ce moment. Hein, c'est un des sujets d'actualité. Ouais. Et il y a beaucoup de clients et je le comprends. Hein, moi, je fais pareil. Quand j'arrive sur un site qui me paraît mal foutu, qui a des fautes d'orthographe ou qui a pas de certains bandeaux, par exemple des bandeaux où c'est écrit paiement sécurisé ou carte bancaire, etc. Je suis pas en confiance. Et quand on n'est pas en confiance, on n'achète pas. Bah oui. Si vous allez chercher des champignons et que le mec vous garantit que c'est pas du surgelé, mais que ça dégouline de flotte, vous les achetez pas. Enfin, y a un moment où... En plus, si vous voulez vraiment checker à nouveau et voilà, vous replonger dans l'ambiance, et bien sur ce site, il y a un petit onglet qui se nomme Nous connaître. Après, voilà, on peut retrouver exactement ce qu'on vient de dire. Hein. Tout à fait. C'est c'est les mêmes infos. Il y a rien qui sera différent. Voilà. Je vous invite même, ça serait déjà un super premier soutien pour nous que vous visitiez le site. Oui. Rien que ça, on vous demande pas d'acheter quoi que ce soit. Juste allez sur le site. Vous tapez le af-li.com dans votre barre de recherche. Vous y arrivez direct. Et en fait, ça va nous permettre de générer du trafic. C'est comme ça que sont référencés les sites sur Google. Hein, si vous vous renseignez, oui, vous en rendez compte. Oui. Plus un site enregistre de visites, plus des mots-clés qui lui correspondent seront associés et plus vite il remontera dans les recherches. Alors, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, au début, quand on tapait Afly sur Google, on tombait sur une société à Villeneuve-la-Garenne qui fait de l'immobilier. Voilà. Rien à voir. Et notre site apparaissait après, fallait aller en deuxième page de recherche pour trouver notre site. Ouais. Alors que j'ai fait la diffusion auprès de mes proches sur Facebook, les réseaux. Je leur ai demandé d'aller juste visiter le site. Et maintenant, vous tapez Afly, vous tombez sur la page Ulule, vous tombez sur le site, vous avez un encart sur Google qui référence nos produits. Voilà, tout simplement. On pourrait presque dire que c'est magique, mais non, c'est de l'algorithme. Mais voilà, donc rien que le fait d'aller visiter notre site, ce serait super cool. Bah ouais, c'est carrément ça. Je t'invite, auditeur, à aller faire un tour sur Afly. Ne t'inquiète pas, on mettra le lien de ce site internet directement avec le podcast de cette émission d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des futurs projets là, ou alors vraiment on se laisse le temps? Alors pour le moment, parce que professionnellement parlant, moi faut que je gère aussi mes apports financiers. À côté, j'ai des boulots qui je vais postuler sur des boulots. J'ai un boulot qui est en train de se finir. On commence doucement à réfléchir à la deuxième collection. On se pose la question aussi de si on va pas relancer une deuxième prévente après la fin de la première de la première collection. Si on part sur une deuxième collection, on gardera ce côté un peu lien spirituel, voire même on l'explorera un peu plus. Donc ça, c'est à voir. On restera dans tous les cas sur des choses graphiques qui peuvent se porter par tout un chacun sans croyance particulière. Parce que le but, c'est de viser large aussi. Oui. Mais en ce moment, j'ai des projets qui sont associatifs, qui n'ont pas grand-chose à voir avec la marque, mais qui doucement pourraient commencer à créer du lien. Ouais, pas mal. Et j'ai des amis, j'ai rencontré un créateur de marque. La marque, c'est Soul Technologies, si je ne dis pas de bêtises. S-O-O-L et Technologies, comme ça s'écrit. Vous pouvez aussi trouver leur site sur Internet ou leur Instagram. Et donc ça, c'est un ami qui, pareil, fait de la sérigraphie, sauf que lui, il le fait par lui-même, il a sa petite imprimante et tout. Et on se dit, si un jour nos marques décollent à tous les deux, pourquoi pas créer une entreprise dans laquelle, sur ce modèle de gouvernance dont je vous parlais tout à l'heure avec l'ESS, etc., pourquoi pas mettre nos deux marques dans la même entreprise et collaborer, faire mutualiser nos moyens et proposer du coup des choses qui soient diverses et variées, qui puissent plaire encore plus de public. J'ai une autre amie qui va monter sa marque et qui va demander un coup de main pour le site internet. Je pense que je vais lui proposer la même chose, parce que même si au final on va être concurrent, parce qu'on va tous vendre du textile, on va pas être de vrais concurrents, parce qu'on va tous vendre des choses qui sont différentes les unes des autres. On a chacun notre style et il y a de la place pour tout le monde dans le mode de la mode. C'est pas nouveau. C'est sûr que on va pas forcément attirer du client qui achète Adidas, parce que quand on achète Adidas, on achète deux bandes sur un gilet et un petit logo sur la poitrine. C'est pas une critique, hein. Je veux dire, moi-même j'aime Adidas. Ça m'arrive de porter des vêtements Adidas, voilà. Mais nous, on va proposer un visuel. C'est pas le même marché, c'est pas les mêmes demandes, c'est pas les mêmes offres. C'est vrai. Voilà, enfin, comme dit. Et donc, voilà, ce serait peut-être le projet qui serait en place. Ce serait d'avoir un côté fédérateur, en tout cas sur Saint-Dié, ses alentours, de plusieurs marques de textiles comme ça qui font des petites ventes ou même des grosses ventes, hein, pourquoi pas. Je me posais la question aussi, je me suis pas encore penché dessus, mais de demander un label Vosges Terre Textile. Ah ouais. Alors, à mon avis, ce label ne fait que référence à la production, parce que vous y retrouvez Linvauge, Blanc de Gérardmer, qui eux, produisent du textile. C'est des filatures, hein, si je dis pas de bêtises. Voilà. Nous, c'est pas ce qu'on fait. On vend du textile, on le fait imprimer dans les Vosges, mais on fait pas filer notre coton dans les Vosges. Donc. À voir comment ça peut se négocier. Mais ça pourrait être en tout cas un projet. Mais c'est vrai que c'était une grosse industrie de textile ici avant dans les Vosges, et que voilà, c'était un peu mort quoi jusqu'ici. Donc pourquoi pas, ça peut le faire. Est-ce que c'est pas difficile de faire naître une marque pendant cette période là sanitaire un peu expérimentalement compliquée? Je veux dire, moi, j'ai jamais créé d'entreprise avant, j'ai jamais créé de marque avant, j'ai jamais lancé de projet de cette envergure avant. Donc, je peux pas faire de rétrospective par rapport à d'autres projets. Oui. Tout ce que je peux dire, c'est que les difficultés que j'envisage par rapport à cette période sanitaire, c'est que les gens déjà sont moins aisés financièrement. Hein, je veux dire, il y a des gens qui sont au chômage tech, il y a des gens qui doivent financer des nounous, des machins, des trucs. Enfin, voilà, passons. Mais en tout cas, financièrement, on sait qu'il y a plein de gens que ça a mis un peu dans le rouge. Et du coup, c'est pas aisé pour tout le monde. Donc, déjà, sur le point de vue de la demande client, je pense qu'il y a une réduction. Et je pense même que c'est sûr parce qu'il y a plein de commerces qui faisaient une grande saison. Dans les mois de Noël, malgré la réouverture des commerces, les visites des clients sont pas forcément tout au rendez-vous. Ensuite, j'essaye de trouver des arguments, mais j'en trouve pas forcément. Si, peut-être la communication. Je dirais que les réseaux sociaux sont du coup très encombrés parce que par cette crise sanitaire, sur les gens qui réagissent, sur les médias qui communiquent, sur les gens qui se... On va pas dire qu'ils se battent, mais qu'ils débattent, en tout cas, du port du masque, de ci, de ça, sans forcément trouver de fin au débat. Mais du coup, ça occupe l'espace médiatique, l'espace des réseaux sociaux, et y trouver une place pour nous faire notre communication, c'est un petit peu plus compliqué. On peut quand même dire qu'on est porteur de bonnes nouvelles, donc c'est dans ça. L'idée, on peut essayer d'amener un peu de bonnes choses dans tout ça, mais voilà. Donc je pense qu'entre l'encombrement de l'espace médiatique et réseaux sociaux, et des réseaux sociaux plus... Le fait que les gens ont un peu moins d'argent en général, oui, je pense que c'est pas forcément facile de lancer le projet maintenant. En plus, on lance le projet fin d'année, il y a les fêtes, faut offrir les cadeaux, faut... Voilà. C'est un beau cadeau là, c'est local. En plus, tu le dis, les gens vont au moins dans les magasins, mais je suis sûre qu'ils commandent beaucoup plus sur internet. T'as pas besoin de sortir de chez toi, auditeur. Tu vas directement sur le site Afly et tu peux trouver un super suite qui est produit localement, comme tu viens de nous le dire, Gaëtan. C'est ça. Alors, à savoir que en fonction, c'est toujours des questions de délai. Le site Ulule court jusqu'au 7 janvier et que on rencontre l'objectif au 7 janvier, là, ça sera que à partir du 7 janvier qu'on lancera l'opération. Si au 20 décembre on a bouclé toutes les commandes, ce serait magnifique. Hein, on ne se cache pas. On envoie les commandes à partir du 20 décembre. Enfin, je veux dire, voilà, la campagne pour nous, elle s'arrête au moment où on a acquis notre objectif. Ok. Donc tu peux précommander, même si tu reçois ton cadeau de Noël. Eh bien, en janvier, c'est pas grave, tu l'as quand même ton cadeau de Noël. Et voilà, on peut aussi aller voir sa famille et ses amis un petit peu plus tard qu'à Noël. Et donc du coup, ça sera l'occasion de s'offrir un beau suite. Exactement. Vous pouvez me faire une demande directement par mail où je vous prépare un petit carton personnalisé avec le nom de la personne en lui disant t'inquiète pas, ton cadeau de Noël arrive. Ah, c'est génial, ça, très bonne idée. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes quelques questions. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite? La réussite. Allez, la réussite, on prend ça. Un dernier mot, peut-être? Merci à tous ceux qui ont pris le temps de nous écouter et merci à tous ceux qui viendront voir le site. On espère que l'aventure vous plaira, que vous trouverez votre bonheur chez Afly. Et puis, on espère qu'on reviendra vers vous avec deux nouvelles collections et plein de bonnes choses à vous faire découvrir. Bah ouais, plein de bonnes choses à toi, en tout cas, à toute ton équipe et tous ceux qui se sont pressés pour t'aider, je sais pas comment dire. Ouais, parce que sur deux semaines de lancement, deux semaines et demie, on est à 14 précommandes, ça fait quasiment une commande par jour, c'est déjà magnifique. Voilà, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet, sur Insta, pour retrouver ce dont on vient de parler avec toi, auditeur. Allez, kiss! Merci Gaëtan et bravo encore pour cette belle initiative. On te souhaite plein de bonnes choses et surtout, auditeur, va faire un tour sur son site internet, tu verras, c'est juste magnifique. Et puis, ça coûte rien de jeter un coup d'œil. Après ce très bon moment, j'ai envie de te passer deux petits sons avant de se dire au revoir. Et pas n'importe lequel. Le premier, c'est I Think About You de l'artiste Ljubljana. Alors, vraiment, un pur moment de bonheur. Tu vas voir, c'est une artiste magnifique. Le son de sa voix est juste waouh. Et juste après, je te passe un petit kiff. Singing in the Shower de Rita, accompagnée des Parks sur ce titre. Allez, ne bouge pas, à tout de suite, auditeur. Hey. memory always comes the day I think I find a why. I still think about you. I still think about you. I just played your favorite song, so sure I had moved on. It made me think of you. It made me think of you. And I don't understand why I still feel like I need you. It's been 309 days, and boy, I missed you all the way. Oh, I don't even know why, 'cause what we had was so wrong. It is out of my control. It is out of my control. So at night I think about you, what we used to do. Hold me like my body is all for you. Yeah, at night I think about you, what we used to do. Touch me and I'm falling back to you. Morning always comes too soon. To let go this feeling of you, this feeling of you. And I've tried many times to get you off my mind. You don't wanna go, you don't wanna go. And I don't understand why I still feel like I need you. It's been 309 days. I missed you night and day. Oh, I don't even know why I'm still here dreaming of you. It is out of my control. It is out of my control. So at night I think about you, what we used to do. Hold me like my body is all for you. Yeah, at night I think about you. C'était bien ça, ce son d'Erita, ça fait du bien quand même. Moi je trouve que voilà, ça fout la pêche quoi. C'est bientôt le moment de se dire au revoir. Non, mais avant ça, je te glisse les dernières news que l'on m'a communiquées, celle de la médiathèque de Remiremont qui nous annonce ses prochains ateliers multimédia pour les enfants. Le premier, des jeux vidéo collaboratifs, TikTok et A Toll for Two. Alors deux équipes d'enquêteurs séparées dans deux salles de la médiathèque vont tenter de résoudre une série d'énigmes en partageant par visioconférence leurs indices. Il faut bien qu'ils adaptent. Chacune d'elles disposant d'éléments différents. Si tu te sens l'âme d'un inspecteur, va te joindre à eux. Ça se passe le samedi 16 janvier de 10h à midi à la médiathèque de Remiremont pour les enfants de 9 à 12 ans. C'est gratuit et sur réservation au 03 29 22 50 01. Les enfants pourront toujours encore découvrir la réalité virtuelle à travers une sélection de jeux et applications pour les immerger dans les univers fascinants et amusants de la réalité virtuelle. Atelier sous réserve de compatibilité avec les recommandations sanitaires en cours. T'as vu, je fais bien cette voix-là aussi. Ça se passera le samedi 13 février de 10h à midi, toujours à la médiathèque de Remiremont pour les enfants de 7 à 12 ans. C'est toujours gratuit et sur réservation. Toujours au 03 29 22 50 01. Je pense qu'il faut que tu t'inscrives dès maintenant. C'est pour ça que je te le dis tout de suite. On termine par le coup de gueule du ciné de Plombières. Et suite aux décisions gouvernementales, nous disent-ils, la réouverture des cinémas n'aura pas lieu, c'est vrai. Les bénévoles du cinéma de Plombières sont consternés devant une telle décision mettant à mal tout un secteur d'activité, la culture, piétinant le travail de milliers de citoyens qui préparaient depuis des semaines cette réouverture. En signe de protestation, le cinéma, comme des centaines d'autres en France, allumera son enseigne mardi 15 décembre, donc demain, de 17h à 18h. Les bénévoles de l'association seront présents devant le cinéma pour manifester leur colère et leur incompréhension et ils appellent leur public fidèle à les rejoindre nombreux devant le cinéma pour les soutenir, sensibiliser et appeler les pouvoirs publics à réouvrir les lieux de culture essentiels pour l'équilibre de chaque être humain, pour la vie, pour le futur, pour l'éducation et tant d'autres choses. Force à eux. Auditeurs, c'est la fin de ce micro ouvert que tu pourras retrouver en podcast sur notre page Facebook dès demain. Quant à nous, on se retrouve demain à midi en direct. Cette fois-ci de la bulle, ça faisait tellement longtemps. Elle sera consacrée à Christophe Toussaint Épinettier qui vient de sortir un livre. Ça se passe sur le 107 ou depuis les applis Radioline ou Orange Radio, depuis ton ordi ou ton téléphone. Waouh, mais il est 13h et j'ai terminé cette émission. Je suis enfin à l'heure, c'est incroyable. Vendredi prochain, quand même, c'est la dernière de micro ouvert, mais la première avec un invité dans les studios avec moi. Je suis super contente. Ça va être quelque chose. Ça sera Camille qui nous présentera son album produit par Airplay et sont surtout tous les fronts ceux-ci là, sur lequel il y aura plusieurs feats d'artistes du coin. On aime bien parler de tout ça. Voilà. Je te souhaite une super belle journée sur Radio Guémozo. Prends bien soin de toi, prends bien soin des autres et on se retrouve demain, Kiss.